mes bien chers frères et sœurs, nous voilà en ce jour réunis afin ensemble de célébrer le départ si prématuré de mademoiselle Lee, L-E, Lee, Crut, C-R-U-T. Ah, beaucoup l'ont connu, une bonne dizaine de personnes au moins, et certains, semble-t-il, trouvaient cela pas mal. Néanmoins, la voilà qui, à bout de force, nous a quittés afin de nous laisser son plus grand et son plus émouvant témoignage en la dite personne objective d'un objet. Messieurs, dames, elle nous a laissé léguer son string. À présent que ces mots profonds et sains ont été dits, nous allons passer à la deuxième chanson de cet orifice funèbre.